L'église est faite de patience. De patience, de foi et de la peur. Au bout du compte, le temps a toujours donné raison à l'église. Tellement nos vies ainsi que ce triste monde où ce qu'on te demande. Et à la longue je comprends pourquoi tu te sers pas de ta langue. Parler à l'homme qui trop déconne et en remplit son âme. Veulent que tu les pardonnes, pêcher par tonne en souffrant au chétan. Prêcher la haine ou le bien en étant faux, ouais c'est la même. Et avec peine ils tentent d'éviter l'échafaud et c'est déjà chaud. Quand je vois combien te font porter le chapeau. Et de l'autre côté ce mec à genoux te prie de lui sauver sa peau. Victime des satires, diable adore mais ses croyants qui t'admirent. L'esprit plein de tort pour sûr tu dois trouver sa pire. Ça les attire, trouver la foi avant la mort et ses soupirs qu'on te soutient. Remettre-nous, dire dans leur tort le maladie. Oublie ta religion, cette maladie. Dis que c'est malhabile, cette croyance qui s'exprime à la Bible. Te veux comme amant, et veux te tenter comme Adam. Incessamment, il te fera regretter le moment où t'étais comme avant. Y'a peut-être 5 ans, j'ai déserté les églises. Se rassembler entre un mur pour te prier est une bêtise. Ma foi est libre, celle du cœur est sans livre. Et tu punis l'homme de ses fautes en le laissant vivre. Nulle colère divine ne résonne ni de gronde quand le ciel. Je serai l'œil de Dieu dans cet enfer. Devant les yeux et vivre heureux comme ça, remarque tant mieux pour eux. Tu vois, j'ai perdu ma joie et l'envie de vivre dès que les cieux ont dissipé ma foi. On se dit, y'a peut-être un paradis au fond, y croirais-tu si comme ce SDF t'avais pas un radis. C'est prouvé par A plus B, les religions sont inventées à base de dogmes. Et il n'y a que des guerres qu'elles ont su engendrer. Ça vient du fin fond de l'âge de pierre. Depuis que l'homme a enterré ses défunts séparément en y mettant de la terre, celle de sa demeure pour qu'ailleurs il se sente chez lui dans l'autre monde qui commence à faire peur. Et c'est la même depuis. Un peu de culture pour dire que le premier dieu fut une déesse, la terre mère, présente dans l'arbre et dans la rivière. Un naturel qui s'éloigne peu à peu en ajoutant des rites, déformés par des paroles dites et même écrites. Nulle colère divine ne résonne ni de gronde quand le ciel. Je serai l'œil de Dieu dans cet enfer, dans cet enfer. C'est un vrai croyant, il croit à la fin du monde toute proche. Si Dieu est quelque part ici, c'est là que vous aurez le plus de chance de le trouver. Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu, c'est large, Dieu, c'est large. Ici le ciel reste mais vide. Le ciel, n'est jamais vide. Pardonne tes fautes, tu pries le soir pour les tiens. Mais ce qui compte c'est le pardon des autres. Je me suis perdu en chemin dans la foulée croyant. Puis j'ai compris en voyant que j'y croirais par d'autres moyens. Aller à l'église, ça n'a jamais mis à l'abri. Se croire entre amis, mais regarde un peu ce qui nous a pris. On est censé s'aimer, mais on le fait que le dimanche. Et on a le même regard méfiant sur ce clochard qui fait la manche. Si c'est votre vision m'entraîne, alors continuez seul. C'est comme souiller son linceul et votre âme devient si sale. Tes œillères enlevées et à genoux sur le sol. Tu te libéreras du 666 qui te tiens par le col, y'a pas d'école de la foi. Suis ton cœur et ton esprit, t'auras pas tout, fais ton choix. C'est la droiture ou ton esprit. J'ai jamais rien espéré, mais je pense qu'on nous guette. Chacun ses croyances, mais un jour on payera nos dettes. Nulle colère divine ne résonne ni de gronde quand le ciel. Je serai l'œil de Dieu dans cet enfer, dans cet enfer. C'est un vrai croyant, il croit à la fin du monde toute proche. Si Dieu est quelque part ici, c'est là que vous aurez le plus de chance de le trouver. Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu, c'est large, Dieu, c'est large. Ici le ciel reste calme et vide. Le ciel, n'est jamais vide, jamais vide. Comme les chrétiens il y a 2000 ans, parce qu'ils étaient différents, je me sens rejeté par certains. Comme les musulmans de France, à cause d'un profond racisme, je me sens rejeté par certains. Comme les juifs il y a pas si longtemps que ça, exterminés au nom d'une simple idée, je me sens rejeté par certains. Et comme les protestants, un Jean de Saint-Barthélemy, je me sens rejeté, parfois ennemi. Il y en a encore, tu sais, il y a eu des tonnes de livres. Ces guerres qui ont marqué l'histoire des hommes qui les font vivre. Je suis sûr qu'un jour il ne restera plus que des citations bibliques. Arrivent les mouvements de pensée métaphysique, philosophique, et il y aura des morts. Parce qu'on ne sera pas d'accord, cette mutation voit le jour et j'en frémis, vu que ce sera pire encore. Il n'y a pas 36 solutions, soit on finit par s'anéantir, soit on fait un effort d'union pour notre avenir. Nulle colère divine ne résonne ni de gronde quand le ciel. Je serai l'œil de Dieu dans cet enfer, dans cet enfer. C'est un vrai croyant, il croit à la fin du monde toute proche. Si Dieu est quelque part ici, c'est là que vous aurez le plus de chance de le trouver. Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu, c'est large, Dieu, c'est large. Ici le ciel reste calme et vide. Le ciel n'est jamais vide, jamais vide. Nulle colère divine ne résonne ni de gronde quand le ciel. Je serai l'œil de Dieu dans cet enfer, dans cet enfer. C'est un vrai croyant, il croit à la fin du monde toute proche. Si Dieu est quelque part ici, c'est c'est là que vous aurez le plus de chances de le trouver. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.